Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine de bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène. Je serai romantique.